Chapitre 2. La mort rôde dans l'ombre. Depuis cette nuit néfaste, M. Corbier se sentait assailli par les remords. Sa femme, remarquant le changement soudain qui s'était opéré en lui et son perpétuel état de surexcitation, ne cessait de le questionner sur la cause du mal mystérieux qui semblait le ronger. N'y pouvant plus tenir, il lui avoua tout. D'accord avec elle, il se décida à faire une déposition au bureau de police. Le commissaire prit note de ses déclarations et lui demanda des renseignements complémentaires. Mais le maître maçon était dans l'impossibilité de fournir le moindre indice, d'indiquer la moindre piste. L'auto dans laquelle il avait été enfermé, les yeux bandés, avait décrit dans les rues les méandres les plus désordonnés, dans le but de désorienter l'ouvrier. Ensuite, celui-ci n'avait pas vu l'extérieur de la maison dans laquelle on l'avait fait pénétrer. Dans ces conditions, il devenait presque impossible de retrouver la mystérieuse habitation où, vraisemblablement, s'était déroulé un drame atroce. Toutefois, les plus fins limiers de la police se mirent en campagne sur les vagues indices de M. Corbier. On présumait que la maison tragique devait être située non loin de l'habitation de M. Corbier. Plusieurs remarques judicieuses corroboraient cette hypothèse. Tout d'abord, les trop nombreux détours de l'automobile prouvaient que les mystérieux inconnus craignaient que le maître maçon ne s'orientât et reconnût l'endroit où on le conduisait, crainte qui n'eût pas été fondée si M. Corbier avait été conduit dans un quartier inconnu de lui ou trop éloigné. Autre raison. Si, à cette heure tardive, les meurtriers présumés avaient précisément choisi M. Corbier pour lui faire effectuer un travail de confiance, c'est vraisemblablement parce qu'il habitait le même quartier qu'eux et que, en s'adressant à lui, il ne perdait pas un temps précieux. Ces hypothèses éliminatoires restreignaient dès lors le champ d'investigation des policiers, dont le cercle des recherches se limite d'abord aux artères voisines de la rue de Clignancourt. M. Corbier avait déclaré que les chambres où il avait été introduit n'étaient point meublées et que les fenêtres n'étaient point garnies de rideaux. On présuma donc que la maison du crime était inhabitée et l'on visita toutes les habitations non occupées. Mais, contrairement à ses prévisions, toutes les recherches de la police restèrent sans résultat. On émit des doutes sur les déclarations du maître maçon et, à la suite d'un ordre venu de haut lieu, l'affaire fut classée, ce qui, en termes judiciaires, signifie « tenu en suspens » et, en simple bon français, « oublié ». Quant à M. Corbier, depuis le jour où il avait signé sa déposition, il avait recouvré son calme et la paix intérieure. Mais bientôt, des événements imprévus firent renaître toutes ses appréhensions. Un jour, qu'il venait de pénétrer au rez-de-chaussée d'une maison en construction où son travail l'appelait, il remarqua, en levant les yeux, deux ouvriers étrangers qui, entre les poutrelles du premier étage, semblaient l'observer avec insistance. En l'apercevant, l'un de ces inconnus fit un signe à son compagnon en disant « Il pleuvra ce soir ». L'autre répondit « Oui, le vent souffle de l'ouest ». Ces phrases, bien simples en elles-mêmes, avaient été prononcées sur un ton singulier qui n'échappa pas au maître maçon. Il allait interpeller ces deux hommes lorsque soudain une énorme pierre de taille tomba avec fracas à quelques centimètres de lui. M. Corbier trembla de tous ses membres. Il venait de voir la mort s'abattre à côté de lui et il n'y avait échappé que grâce au brusque mouvement de recul qu'il avait fait en levant la tête qu'il devait de n'avoir pas été tué. Ayant recouvré son sang-froid, il gravit l'échelle qui menait au premier étage à l'effet de déterminer la cause de cet accident et d'en demander compte aux ouvriers inconnus. Mais ils avaient disparu. D'où venaient-ils? Par où étaient-ils partis? En cherchant, M. Corbier aperçut, apposée contre l'ouverture d'une fenêtre du premier étage, une échelle qui n'était pas là la veille et qui, selon toute vraisemblance, avait servi à faciliter la fuite des inconnus. Quelques heures après, il questionnait l'entrepreneur qui lui répondit qu'il ne savait quels pouvaient être les ouvriers qu'il avait vus. M. Corbier ne pouvait donc attribuer au hasard l'accident dont il avait failli être victime, et il trembla à l'idée des périls inconnus qui le menaçaient et dans lesquels il voyait l'œuvre d'une main mystérieuse. Deux jours après, comme il traversait la rue Lenôtre, une automobile lancée à toute vitesse vira si brusquement dans sa direction qu'il n'eut que le temps de se garer pour ne pas être écrasé. La voiture passa si près de lui qu'il ressentit dans les reins une violente secousse produite par le garde-crotte. Avant qu'il ne se fût rendu compte du péril auquel il venait d'échapper, l'auto avait disparu. Mais comme dans une de ces vagues réminiscences qui succèdent aux rêves, il crut se souvenir avoir entendu une voix prononcer ces mots étrangers, malgré leur apparente simplicité. « Il pleuvra ce soir ». Que signifiait cette phrase énigmatique qui, pour la seconde fois, précédait le péril qui le menaçait? Trois jours s'écoulèrent sans qu'aucun incident ne se produisit. Mais le soir du quatrième jour, alors qu'il revenait de la Villette en prenant une rue peu passante à cette heure, il croisa trois voyous à la mine mauvaise, coiffés de casquettes et vêtus en apache. Ces trois personnages semblaient ivres et titubés. Ils n'eussent point attiré l'attention de M. Corbier si l'un d'eux n'eût chuchoté à l'oreille d'un de ses compagnons « Il pleuvra ce soir !»« Oui, répondit l'autre, le vent souffle de l'ouest. » Le maître maçon n'en entendit pas davantage. Il fit un brusque écart. Il était temps. Un des inconnus, simulant le chancellement de l'ivrogne, allait le heurter au passage. M. Corbier vit, dans l'ombre, luire l'éclair d'un couteau. Il se sauva en courant, aussitôt poursuivi par les trois voyous qui l'invectivaient en termes argotiques, l'accusant de les avoir provoqués. Le maître maçon, voyant à nouveau paraître le mystérieux danger qui le menaçait, redoubla d'ardeur et précipita sa course. Il eut la chance de gagner une artère importante et d'apercevoir un gardien de la paix. Il courut à lui pour lui demander assistance. Mais lorsqu'il se retourna afin de montrer ses agresseurs, ceux-ci avaient disparu. Ce dernier incident attisa ses craintes et, à partir de ce moment, il vécut dans des terreurs continuelles. Il ne pouvait désormais attribuer au hasard les périls dont il avait failli, par trois fois, être victime. Il pressentait qu'il avait des ennemis inconnus et puissants qui mettraient tout en œuvre pour le frapper tôt ou tard. Ça avait été d'abord des ouvriers faisant tomber une pierre de taille, puis des automobilistes lançant leurs voitures sur lui, enfin des apaches cherchant à le poignarder à l'improviste. Oui, une main mystérieuse guettait incessamment dans l'ombre, prête à le happer au moment propice et lui donner le coup suprême. Quels étaient ces ennemis puissants qui le poursuivaient inlassablement de leur haine, employant les auxiliaires et les instruments les plus imprévus pour assouvir leur vengeance? Pouvait-il espérer leur échapper? Un jour viendrait où les faits presque miraculeux qu'il avait préservés jusqu'alors feraient défaut et il tomberait sous l'arme inconnue, tandis que, grâce aux moyens employés, on attribuerait sans doute sa mort à une cause tout accidentelle. Il demanda assistance à la police. Le commissaire à qui il s'adressa crut voir en lui un maniaque. Toutefois, sur ses insistances réitérées, on promit de le protéger et de surveiller les alentours de sa maison. Mais cette surveillance se relâcha peu à peu.